N'est pas. L'ego devient une lentille à travers laquelle l'esprit regarde. Si l'ego est un état, son état de base est la crainte, ça veut dire souffrance. L'état de base de l'esprit, c'est quoi? C'est l'ego. L'état de base de l'esprit. Non, c'est l'ego. C'est l'ego. Non, vous disiez tout à l'heure que... La partie inférieure là, se transmute et elle devient parfaite. À ce moment-là, c'est esprit. Et puis là, il n'y a plus de crainte. Il n'y a plus de crainte, non. Qu'est-ce qu'elle a? C'est un bien-être. Qu'est-ce que je parle? Qu'est-ce que je veux dire? Mais il n'y a pas de réflexion dans l'ego. Qu'est-ce que je veux dire? C'est un état, non. C'est un bien-être. C'est ni ici, ni là. C'est partout. Ça. Il n'y a aucune spiritualité liée à ça. Non. C'est bien translucide. La paix! C'est pas psychologique, la paix. C'est vibratoire. La paix psychologique, c'est pas de la paix. C'est une situation avant tempête. La paix, c'est constant. Ça se détruit pas, la paix. Comment il y a une grosse... Il y a une tempête, la paix, c'est la paix. T'es toujours dans la paix quand t'es dans la paix. L'esprit. La paix d'esprit, c'est pas la paix de l'ego. La paix de l'ego, c'est psychologique. Il y a de l'émotion, il y a de la spiritualité, il y a toutes sortes de petites fleurs là-dedans. Dans la paix de l'esprit, il n'y a rien. C'est ça, la paix.